ladies and gentlemen. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Gémozo 107 FM pour cette nouvelle édition de l'Heure des Loups, la quotidienne de 18h à 19h sur Radio Gémozo, comme je viens de le dire à l'instant, mais je radote déjà. Et pour cette édition, hein, comme je l'avais dit sur Facebook, pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité, on va parler de tatouages et pas n'importe comment. En effet, ce week-end, il y a une convention à Épinal, l'Épinal Tattoo Show pour sa deuxième édition. Et pour cela, j'accueille déjà Johnny, Jean-Marc et Julien. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, au sein de l'événement, il y a déjà Jean-Marc et Julien que je vous situe un petit peu, mais je vais vous laisser vous présenter juste après. Donc, Jean-Marc et Julien, vous êtes plus au niveau de l'organisation de l'événement de l'Épinal Tattoo Show qui ont lieu alors du 22 au 24 juin, et on le rappellera, à Épinal au centre des congrès, si je ne me trompe pas. Et j'ai juste à côté de moi, vu qu'après tout, c'est important d'inviter ses voisins, j'ai Johnny au moins qui est là du Tattoo Shop de Miremont, donc bienvenue Johnny. Merci. Alors, on va déjà parler d'abord de l'événement à l'Épinal Tattoo Show. Vu qu'après tout, comme c'est ce week-end, c'est important qu'on ait toutes les informations nécessaires pour, je sais pas, les auditeurs curieux qui iraient peut-être à leur première convention du tatouage ou à d'autres, hein, bien entendu. Donc, cette convention, déjà, c'est la deuxième. Avant qu'on parle de la première, savoir un petit peu comment ça s'était passé par rapport à l'an dernier, est-ce que je peux savoir un petit peu plus qui vous êtes au sein de l'organisation, parce que vous n'êtes pas que organisateur, vous êtes aussi tatoueur et perceur, si je ne me trompe pas. Alors moi je suis tatoueur, donc oui. Julien, hein, c'est Julien Thibert, mais Jean-Marc lui n'est ni tatoueur ni perceur en fait. Je te laisse te présenter. Moi, je suis tout simplement organisateur. Alors, certes, j'ai des salons de tatou aussi, mais j'ai plus un côté de gestion et d'organisation pour les salons que les conventions, comme celle organisée à Épinal. D'accord, mais tu es, comme je me permets de dire, tu es très tatoué. C'est vrai que moi, j'avais pensé que tu étais tatoueur aussi. Ouais, il n'y a pas forcément besoin d'être beaucoup tatoué pour être tatoueur, mais effectivement, étant donné que je vis du milieu tatou, forcément, je suis un petit peu aussi un représentant du tatouage. Donc en fait, toi, tu organises alors des événements, mais tu organises uniquement des événements autour du tatouage ou des événements tout court ? Oui, autour du tatouage, d'autres événements aussi, mais le principal, c'est autour du tatouage, oui, tout à fait. Et ça fait longtemps que tu fais ça ? Ça fait 15 ans ou 16 ans, oui. Ah oui ? Donc, tu es déjà bien rodé pour le monde du tatouage. Et ces conventions, tu les organises dans toute la France ou plutôt juste dans le Grand Est ? Alors, oui, principalement dans le Grand Est. Principalement dans le Grand Est, entre Lille et Besançon. D'accord. Moi, on va y revenir un petit peu aux différentes conventions parce que forcément, le Tattoo Shop qui est là n'en est certainement pas à sa première convention. Mais on en parlera juste après, Johnny. T'inquiète pas. Mais comme je le disais, il y a aussi Julien. Toi, tu es à l'organisation aussi. Tu es tatoueur. Dis-moi, déjà, ça fait longtemps que tu organises des conventions ? Ah ben non, moi je me suis lancé dans l'organisation aux côtés de Jean-Marc pour l'Épinal Tattoo Show. C'est le seul événement auquel je participe parce que bon, je suis tatoueur à Épinal. Depuis 2002. Et puis en fait, je fais des conventions aussi énormément. J'en fais au moins 25-30 par année là, ces dernières années, donc c'est quand même beaucoup. Un peu partout dans le monde. Et donc, riche de cette expérience, on a décidé d'un commun accord de créer un événement sur Épinal. Voilà. Oui, bien entendu, pour concentrer un petit peu tout, tout ce qui se fait dans le monde du tatouage. Ouais. Et oui, donc c'est ta... Non, c'est pas ta première convention, mais c'est ta non, première c'est la deuxième, en tant que... Et en tant qu'organisateur la... Ah, ben, c'est la deuxième en ah, tant voilà, qu'organisateur. Exactement. Non, en tant que participant, j'aurais bien du mal à les compter, mais j'en suis à quelques centaines, mais en tant qu'organisateur, c'est la deuxième. Ouais. D'accord, on reviendra juste après sur ton... Comment dire sur ta profession de tatoueur perceur, ouais, parce qu'après tout, c'est important, et comme ça, on pourra aussi donner la parole à Johnny. Et donc, comme tu le disais, comme vous le disiez tous les deux, c'est pas la première convention, c'est la deuxième. Alors, avant toute chose, comment s'est passée l'édition de l'année dernière ? Bon, c'était une très très bonne surprise, parce qu'on a eu l'impression que Épinal attendait son événement tatou depuis un moment déjà. Et fort de la réputation aussi de Julien dans la région, il y a eu un bel effet boule de neige. Et puis, on a fait beaucoup d'entrées l'année dernière. Bon, pas autant que des grosses villes, mais par rapport à la ville d'Épinal, ça a été un heureux succès. C'est beaucoup, ça fait combien ? Ouais, ça fait à peu près 5000 entrées, mais pour la ville d'Épinal, c'est quand même assez gros. Et pour une première édition, surtout. Oui, c'est ce que je comptais dire. Ouais, voilà, c'est quand même assez important. Il y a peu d'événements pour une première fois qui peuvent justement se vanter d'avoir eu autant de visiteurs, quoi. Oui, en effet, ça se comprend. Et donc, s'il y a eu ces 5000 visiteurs, vous avez dit, ça s'est passé sur combien de jours ? 1, 2, 3 jours ? Sur 3 jours, voilà. D'accord. Étant donné que Julien fait venir également des collègues à lui qui viennent d'assez loin, d'Europe de l'Est ou même... Outre-Atlantique, c'est important pour eux de passer le plus de temps possible à la convention. Donc, on a choisi de faire 3 jours de convention plutôt que 2 jours, ou dans d'autres, c'est souvent le cas. Oui, donc on y reviendra un petit peu de la zone géographique de laquelle viennent les exposants, surtout ceux pour cette année. Et je sais que bon, pour cette année, il y a 180 exposants prévus. Il y en avait autant l'an dernier ? Non, l'an dernier, il y en avait un petit peu moins. Je crois qu'on était à 140 en chiffre définitif, quelque chose comme ça. Cette année, oui, il y a 180 tatoueurs, mais il y a plus d'exposants parce qu'on a aussi différents stands de merchandising. On a des choses qui tournent autour du tatouage, justement, des revendeurs de matériel. On a toute une super équipe là, qui fait du skate et du BMX, les Woodmen, qui eux aussi viennent faire des compétitions pendant le week-end. Donc, pas mal de choses qui tournent autour de l'univers du tatou qui sont complémentaires et qu'on essaye d'apporter aux gens dans un seul et même événement. Oui, vous essayez vraiment de rassembler le plus de monde. D'ailleurs, j'ai récemment appris que Sans Color Time sera présente aussi, que j'ai reçu. C'est même la première que j'ai reçue pour mon émission L'Heure des Loups. Donc, j'en profite. Sandrine, si tu nous écoutes, on te fait un coucou. Et puis, ce sera un plaisir de te retrouver là-bas ce week-end. Mais en effet, comme vous l'avez dit, il n'y a pas que des tatoueurs, il y a d'autres choses. Il y avait déjà ça l'an dernier. Je pense qu'on a déjà fait un petit peu le tour de comment ça s'est passé l'an dernier, hein, bilan positif, beaucoup de monde. Je ne sais pas s'il y a des choses à ajouter par rapport à l'an dernier. La chose qu'on peut ajouter par rapport à l'an dernier, c'est que là, le public aura la chance d'avoir beaucoup de choix en termes de restauration. Parce que l'année dernière, on avait une salle qui était à part, qui était peut-être pas spécialement adaptée. Donc, on a corrigé le tir et donc on va faire venir 5-6 food trucks avec diverses cuisines, diverses restaurations où les gens pourront se restaurer dehors. Parce qu'apparemment, on attend un beau soleil ce week-end. Et donc, ça apporte un tout petit peu plus à l'ambiance déjà qui sera déjà riche pour ce week-end. Eh bien, comme tu as déjà embrayé là-dessus, je vais au moins pouvoir te poser la question, hein, vu que ça y est, on embraye tout doucement sur ce qui va se passer ce week-end. Et comme tu as parlé d'alimentation, je pense qu'on va continuer dans ces eaux-là. Donc, tu fais venir plusieurs food trucks, tu as dit de plusieurs horizons. Est-ce que déjà ça convient à différents types de régimes, si tu vois où je veux en venir ? Oui, tout à fait. Moi-même végétarien et même Julien qui mange sans gluten, on est des consommateurs... Et lactose. Et sans lactose, ouais. On est des consommateurs où on a besoin de trier un petit peu les cartes avant de choisir ce qu'on va avoir dans notre assiette. Donc effectivement, ça a été un petit peu compliqué quand même de faire venir des food trucks avec des régimes assez diversifiés, parce que même si le food truck se développe, Il y a beaucoup de food trucks qui restent dans le burger, qui restent dans le wrap, dans les frites, voilà, c'est assez facile. Mais là, on aura quelqu'un qui va proposer du vegan et du végétarien également. Donc il y a vraiment pour tout le monde. Donc ça, c'est au niveau des régimes alimentaires et au niveau, on va dire, des horizons culinaires. Est-ce qu'il y aura plutôt de la nourriture que tout le monde connaît ou peut y avoir, je ne sais pas, de la nourriture asiatique ou italienne ou des choses comme ça? Alors il y aura des food trucks italiens effectivement, mais c'est vrai que pour une première, étant donné que voilà, les food trucks, on connaissait pas trop encore l'univers, moi-même dans mes événements je n'en faisais pas venir, donc le réseau était un petit peu maigre, mais c'est quelque chose sur lequel on va travailler pour l'année suivante et vraiment proposer un village de restauration de divers horizons, de divers régimes, voilà, pour créer une bonne ambiance culinaire autour de l'événement. Eh bien, on a hâte de voir ça d'ici l'an prochain. En tout cas, on a déjà aussi hâte d'y être pour ce week-end. Et comme je le disais plus tôt, hein, ça se passe quand même du 22 au 24 juin. Est-ce qu'on peut déjà, on les rappellera déjà en fin d'émission, on peut déjà donner les horaires et peut-être les prix d'entrée? Ouais, alors les horaires, c'est assez simple. Vendredi, ça démarre à 14h donc au public, jusqu'à 21h. Le samedi, c'est de 11h à minuit et le dimanche, de 11h à 20h. Et les tarifs, ben, c'est 10€ la journée ou 25€ le passe 3 jours. Tout simplement, donc là au moins les auditeurs ont des informations de base, voilà. Que je viens de le dire, on rappellera simplement en fin d'émission, mais on a encore un peu de temps. Et oui, comme vous disiez, hein, qui dit salon de tatouage dit tatoueur, mais c'est vrai que quand on pousse les portes d'un salon de tatouage, il fait dans beaucoup de cas piercing. Est-ce qu'il y aura aussi des stands de perceurs? Oui, il y aura donc un stand de piercing. Alors la perceuse est celle de tout simplement de mon shop, en fait, Amandine, qui s'occupe de ça. Elle était déjà là l'année dernière, ça a super bien fonctionné. Donc on recommence cette année, quoi, voilà. Elle va proposer différents types de piercing. Elle a son espace clos qui répond à toutes les normes d'hygiène avec son propre lave-main, etc. C'est important de le préciser pour les gens. Bien sûr. Elle a un petit espace d'accueil aussi où elle proposera quelques bijoux. Enfin voilà, donc un espace réservé, dédié au sein de la convention uniquement au piercing. Un espace clos et mince, comment ça s'appelle, comme une pièce stérile, quelque chose comme ça. Oui, si alors bon, si on n'est pas dans une pièce stérile comme un hôpital, mais enfin c'est une pièce tout du moins qui est mise à l'écart du reste des gens, des visiteurs, enfin voilà quoi. Donc une place qui permet justement de répondre à certaines normes d'hygiène. Et tant que j'y pense, mais on reparlera aussi de ça pour les tatoueurs, est-ce que c'est possible de se faire tatouer là-bas presque sur un coup de tête? Oui, c'est le principe, hein. C'est le principe d'un salon de tatou. On peut craquer pour un tatou proposé par un des artistes présents à la Pinel Tattoo Show. Et effectivement, on amène des tatoueurs de divers horizons, de divers styles, directement à Épinal, de manière à ce que le public ait un large choix et qu'il puisse décider dans l'instant de se faire tatouer. Oui, parce qu'ils peuvent vraiment, vraiment le faire comme ça. D'habitude, il faut prendre rendez-vous pour un tatouage, si je ne me trompe pas. Là, ça peut vraiment, à ce point, être fait sur un coup de tête. Absolument. Certains tatoueurs qui ont une renommée assez importante auront peut-être déjà des rendez-vous parce que voilà, ils sont suivis. Nous-mêmes, nous sommes très suivis lorsqu'on annonce les tatoueurs participants. Mais la plupart auront de la place pour se faire tatouer et ont bien l'intention de tatouer sur place ce week-end. Tout simplement, ils auront la possibilité de tatouer énormément de monde pour ceux qui veulent le faire. On peut peut-être rappeler aussi les modalités parce que je pense un tatouage, ça coûte quand même cher. Il faut, j'imagine, penser à avoir de l'argent sur soi. Oui, tout à fait. Après, tous les prix peuvent être considérés dans le milieu du tatouage, c'est sûr. Mais effectivement, il faut prévoir quand même une petite enveloppe pour se faire plaisir ce week-end. Si jamais. Et oui, si jamais, hein, on va pouvoir aussi se faire plaisir avec une première pause musicale intitulée Electric Worry de Clutch, que tu as choisi, Julien. Donc, on s'écoute ce morceau et on se retrouve juste après sur Radio Gemozo. Made me weep and you made me moan. calls me little child, my happy home. But someday, baby, you ain't worry my life anymore. We'll be right back. Et vous êtes de retour sur Radio Gamozo 107FM, vous venez à l'instant d'écouter Electric Rory de Clutch. Et pour ceux qui ont envie de réagir, hein, c'est sans aucun problème, donc par téléphone 03 29 62 40 40 ou sur notre page Facebook Radio Gamozo, hein, je réponds sans problème aux petits messages que vous nous envoyez. Et je suis toujours avec Johnny, Jean-Marc et Julien pour parler de tatouage, vu qu'il y a l'Épinal Tattoo Show qui a lieu ce week-end du 22 au 24 juin au centre des congrès d'Épinal. Et bon, forcément, si on dit tatouage, on dit profession, vu qu'après tout, c'est une profession. Et j'ai deux tatoueurs, enfin un tatoueur et un tatoueur perceur, je crois, c'est Johnny. Ça, ouais. Donc je pense que ce serait peut-être important déjà de mettre en avant vos, comment dire, vos studios de tatouage, et puis aussi votre profession en soi. Donc bah, on t'a pas encore beaucoup écouté, Johnny, donc on t'écoute après tout. En plus, je crois que tu es le plus jeune. Ah oui, je suis le plus jeune, ouais. Donc, ouais. Ça fait 2 ans que je suis en formation, donc ouais. À Tattoo Shop. On est une petite équipe, donc on a 2 shops, un à Remiremont et un à Gérardmer. On forme une petite apprentie. Pour l'instant, ça se passe bien. Niveau clientèle, ça va. Toujours les mêmes choses, infini, envolé d'oiseaux, mais bon, on travaille avec ça, quoi. Ah oui, parce que d'après ce que tu dis, il y a des patterns de base qui se réutilisent beaucoup. Comment ça ? Il y a des comme tu parles d'infini et d'oiseaux, tu parles de motifs qui se font beaucoup. C'est un effet de mode en fait. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui sont des plumes infinies et envolées d'oiseaux. C'est le truc du moment, quoi. Oui, parce que oui, c'est exactement un petit peu ce que j'allais demander, mais je pense que vous pouvez y répondre aussi. Il y a en ce moment un certain engouement autour du tatouage, un certain effet de mode, non ? Ouais, il y a ça. Bon, alors c'est un peu triste dans le sens où, enfin, après, loin de moi l'idée de juger les gens, hein, c'est pas du tout ça. Ils peuvent le faire pour diverses raisons, mais il faut garder à l'esprit que le tatou, c'est pas modal. Enfin, je veux dire, c'est définitif. Donc, c'est pas comme un accessoire de mode qu'on changera d'une année à l'autre parce que il est désuet. Donc le truc, c'est que le tatou, ça se réfléchit vraiment bien. C'est des fois un peu dommage de prendre le premier motif Google pour venir et vouloir absolument celui-là, quoi, ou de vouloir refaire la même chose que des gens qui n'ont pas du tout la même personnalité. Je pense que ça doit être quelque chose qui est propre à la personne quand même, oui. Qui nécessite de la réflexion, parfois un investissement de temps, d'argent, différentes choses, mais en tout cas, je pense que ça doit refléter la personne qui le porte. Alors, de plus en plus, on voit ça avec le développement du tatou, donc ça se vulgarise pour le meilleur et parfois pour le pire, parce qu'il y a des shops qui poussent partout aussi et qui acceptent de faire tout et n'importe quoi sans condition. Bon, voilà, je pense que les gens doivent vraiment faire très attention à ça d'une part, regarder là où ils vont, pas forcément regarder que le facteur pécunier et financier, et puis se diriger vers des gens déjà clean en termes d'hygiène, ça c'est une évidence. Mais c'est une évidence qu'il n'est pas tant dans les faits, puis vers un professionnel qui saura les diriger, les conseiller. Alors après, voilà, il y a des gens qui voudront absolument ce type de motif, mais après, je pense que c'est pareil pour vous, Johnny, mais il y a certaines personnes qu'on va pouvoir rediriger vers d'autres types de motifs, vers d'autres choses, en essayant de les alerter sur ce fait-là, que justement, c'est intemporel. Oui, que c'est après tout un tatouage, c'est définitif. Voilà. Et d'ailleurs, je crois même les méthodes laser, ça laisse des marques. Déjà, c'est douloureux, c'est coûteux et ça laisse beaucoup de traces. Voilà, alors c'est surtout douloureux et coûteux. Aujourd'hui, il y a des lasers qui laissent plus tant de traces, mais enfin, on ne peut pas considérer ça comme un coup de correcteur ou de gomme. Hein. C'est un investissement déjà financier important et puis c'est super douloureux, quoi. Donc, ça peut abîmer un peu la peau parce que c'est pareil, il faut aller chez un vrai bon spécialiste et pas chez n'importe qui. Parce que ça c'est pareil, hein. Il y a certains qui s'improvisent dermatos et qui utilisent des lasers à tout va, donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait. Alors c'est pas vraiment une option, je dirais, on peut pas penser aujourd'hui à aller se faire tatouer en se disant bah, si ça va plus demain, je le fais retirer. Ça doit rester un cas exceptionnel. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, toi, d'après ce que j'ai compris, tu es aussi tatoueur de profession. Ouais. Toi, ton atelier, c'est Clockwork Event. C'est Clockwork Needle, en fait, voilà, à Épinal. Oui, sur la petite fiche, j'ai Clockwork Event parce que c'est l'association qui crée l'Épinal Tattoo Show. Mais mon shop, c'est Clockwork Needle. Donc, on est situé à Épinal. Ça fait depuis 2002. Alors bon, moi j'ai plus cette, enfin, je m'occupe plus de cette demande. On est plusieurs tatoueurs dans le shop. Avec l'expérience, les années, un peu de notoriété, je me suis dirigé vraiment vers une spécialisation qui est un style assez réaliste, figuratif du moins. Donc j'ai pu vraiment dealer avec ça, mais c'est vrai que je le vois tous les jours auprès de mes collègues. Moi j'ai une clientèle plus de passionnés qui n'hésitent pas à faire des kilomètres pour faire vraiment des gros tatous. Oui, pour faire des gros. Et toi, tu as dit tu es plus dans le style réaliste. Toi, Johnny, ouais. C'est quoi ton style de tatouage? C'est ombrage par point. Ah oui, c'est vrai, c'est en petit point. Et comme Julien, tu as parlé de ta clientèle qui vient. J'aimerais peut-être qu'on parle rapidement de la clientèle type. Alors, peut-être s'il y a d'autres auditeurs qui nous écoutent, qui ont peut-être encore ou qui connaissent mal le domaine. Est-ce qu'il y a une clientèle type qui vient se faire tatouer ou percer? Bah, ouais, pour le piercing peut-être, enfin, ça, je vais te laisser t'exprimer pour ça. Mais... Non, pas spécialement, enfin, c'est vraiment tout âge. Même pour le piercing, on a des personnes d'une soixantaine d'années qui décident comme ça de venir, hop, je veux un piercing, comme la fille de 14 ans, 16 ans qui veut un piercing aussi. C'est assez varié, quoi. Même d'ailleurs, niveau tatou. C'est possible de se faire percer à partir de quel âge? Alors, c'est à partir de 14 ans avec autorisation parentale. Et pour le tatou, c'est 16 ans avec autorisation parentale. D'accord. Donc, en effet, ça ne se fait pas n'importe comment. Déjà, il y a les règles d'hygiène qui sont très importantes à respecter. Faites un tour déjà au tattoo shop que je connais très bien. Il est ultra clean. Hein. Ce n'est pas du tout les représentations des studios de tatouage qu'on voit dans les films des années 80. Ça n'a plus rien à voir. Ouais. C'est tout ce qui est plus clean. J'imagine que c'est bien entendu aussi ton cas, Julien. Oui. Bah, on fait super attention à ça. Hein. Moi, depuis le démarrage, depuis 2002, on était assez précurseurs. Hein. Déjà dans le tattoo, on avait des autoclaves de classe B que les dentistes n'avaient pas, etc. Enfin, avec beaucoup de matériel jetable, des choses comme ça, toutes des protections surtout, enfin voilà. Après, ce qui concerne les âges, ça on fait tous, il n'y a pas de législation là-dessus, donc on fait tous un petit peu selon notre bon vouloir. Nous c'est pareil, au shop il y a certains piercings comme les lobes, les choses comme ça qu'on va démarrer à 14 ans, après d'autres un peu plus tard parce que il y en a avec la croissance qui peuvent bouger, ça, ouais. Voilà, ça va être 16 ou 18. Par contre le tatou, nous on fait plus du tout de mineurs, même avec autorisation parentale, c'est un choix personnel. On l'a fait hein, pendant longtemps, mais bon, c'est souvent source de problèmes et puis de recouvrement derrière. Donc nous, on a pris le parti d'arrêter. Voilà, mais après beaucoup le font sans problème, tant que les parents l'autorisent. Voilà quoi. D'ailleurs, tu as dit, vous avez parlé des lobes à partir de 14 ans. Ouais. C'est bête, mais on peut les faire en dessous, non? Ou c'est interdit maintenant de les faire au pistolet? Ah ben c'est normalement interdit le pistolet. C'est normalement interdit, ouais. Mais il y a beaucoup de bijoutiers qui l'utilisent encore. Qui continuent, ouais. Dans des conditions d'hygiène bien souvent de super déplorables. Et puis le pistolet, c'est quelque chose qui traumatise les chairs, contrairement au piercing, les perceurs, c'est à l'emporte-pièce, en gros, c'est un cathéter. Donc là, les pistolets, ça bourre les chairs, ce qui cause souvent des kéloïdes, choses. Et surtout, ils n'ont pas de locaux adaptés pour, pas de pièces spéciales. Et en plus de ça, ils mettent des bijoux d'implants en matière qui ne sont pas adaptés. Donc, avec des diamètres qui sont en plus qui sortent de nulle part, qu'on ne va pas pouvoir adapter après avec d'autres bijoux. Enfin voilà quoi. Donc, ils sont plus censés. On ne peut pas stériliser un pistolet à en plus. Perçage. Ah oui, c'est pas possible. Donc après, si on veut un piercing, même au niveau des lobes, hein, c'est important de le préciser, si on le veut bien fait, le mieux c'est d'aller voir un perceur. Et d'ailleurs, comme c'est que les lobes, pourquoi pas avant 14 ans? Alors, on peut le faire avant, à partir de 6 ans. C'est mieux que d'aller en bijouterie. Pas en dessous de 6 ans, parce qu'avec la croissance, les lobes, de toute façon, ça continue toujours à évoluer, donc ouais, généralement les gens ils viennent avec leurs petits enfants, les petites gamines, tout ça, ouais, je voudrais faire percer les lobes, au lieu d'aller à la bijouterie, ils viennent chez nous, quoi. Déjà pour les normes d'hygiène, puis pour le matériel utilisé, quoi. Oui. C'est beaucoup mieux. Oui, c'est beaucoup mieux, et puis c'est déjà mieux aussi pour le corps, comme tu as dit, ça traumatise les chairs et ça peut laisser des marques. Et oui, on a parlé un petit peu de profil type de personnes tatouées, on a parlé aussi un petit peu de mode de tatouage. Il y a quelque chose dont j'entends un petit peu parler en ce moment, je t'en ai parlé pendant la pause musicale. Je voulais qu'on revienne rapidement sur cette mode en ce moment de faire des micro-tatouages qu'on appelle les tiny tats. Ouais. Alors, oui, bon, ben, comme on en a discuté pendant la pause, moi je suis super sceptique et dubitatif, hein, je dirais même plus, parce que, en fait, du scepticisme, ça voudrait aussi dire que j'ai une interrogation par rapport à ça, alors que j'en ai pas du tout. Je sais, on sait exactement comment vieillissent les tatous, les petits tatous, c'est que ça vit sous la peau, c'est-à-dire que ça va se modifier dans le temps, ça vieillit avec nous, ça bouge, donc forcément, une ligne qui fait 1 mm, admettons, on peut faire plus fin, mais je veux dire, pour prendre un exemple, 1 mm, après une dizaine d'années, elle peut faire 1,5 mm, et après une vingtaine, de 2 voire 3 mm, avec le soleil, avec différentes choses. Donc, imaginez ce que ça peut faire, enfin, que les gens imaginent ce que ça peut faire sur un tatou de la pièce de la taille d'une pièce de 10 cents ou quelque chose comme ça. Bah, c'est vite des ravages, ça va finir en tache noire, point, quoi. Et ça, il n'y a aucune autre solution. Personne n'a de solution pour ça, puisque c'est pas sur l'encre, c'est pas sur la technique de tatouage qu'il faudrait travailler, c'est sur le vieillissement de la peau. Et ça, je veux dire, à part la fontaine de Jouvence, on ne connaît pas grand-chose là-dessus. Oui, parce qu'après tout, donc, tu as parlé de petits tatouages qui vieillissent, mais après, en soi, le tatouage, ça vieillit pas trop mal si on s'en occupe bien, non ? Ouais, ça peut bien vieillir. Après, il faut faire attention aux expositions au soleil, les peaux sèches, il y a différentes, forcément des dermatites, des problèmes de peau, etc. Voilà, mais si on en prend soin, en règle générale, il n'y a pas de souci. Attention, hein, je critiquais pas le petit tatou là, mais les petits tatous, mais vraiment le micro tatou, quoi. Hein, quand on parlait de ça, qui va finir comme une tache, effectivement, c'est pas, on sait faire des petits tatous, mais les micro choses, bon, ben, c'est bien, je dirais pour pavoiser pendant une semaine ou un mois, mais ça s'arrêtera là. Tout simplement, donc au moins on a un tatoueur qui a parlé sur le sujet, hein, parce qu'après tout, c'est ta spécialité, c'est ton boulot depuis 2002, donc ça fait 16 ans. Depuis 2001 même, ouais, mais j'ai ouvert en 2002, mais ah oui. je tatoue depuis 2001. Ouais. D'ailleurs, c'était venu comment cette passion ? Je fréquentais des milieux, la scène assez rock, punk, skin, etc., il y a 25 ans, 30 ans, et puis c'est des choses qui se faisaient beaucoup à l'époque, hein, le tatou, donc ça m'est toujours resté en tête, je voulais me faire tatouer, puis un jour, vers 15-16 ans, j'ai dit, je sais pas pourquoi, un jour je serai tatoueur, et là c'est passé ma rencontre avec Shana d'ailleurs, qui bosse au Tattoo Shop Armiremont, qui m'a tatoué dans les premières personnes, et qui m'a prêté une machine, je crois, ma juste majorité, pour que j'essaye, et puis c'était marrant, bon, je lui ai rendu, et puis j'ai jamais donné suite, j'ai travaillé dans un cursus un peu plus classique, et puis un jour, mon tatoueur, qui était Jeff, qui a ouvert la boucherie moderne à Bruxelles, m'a proposé de me former, puisque je préparais mes motifs moi-même, et puis ben, j'ai sauté sur l'occasion. Tout simplement. Voilà. Et toi, Johnny, c'est venu comment ? Ben, tout simplement que je dessinais beaucoup en étant plus jeune. Donc du coup, tous mes copains me disaient « Ouais, tu devrais faire tatoueur, tout ça. » Donc j'ai commencé à me tatouer moi-même. Après, j'ai acheté une machine bas de gamme, tout le bazar, quoi. Et un de ces quatre, j'ai décidé de trouver un shop pour faire une formation. Donc j'ai arrêté mon ancien métier, qui était complètement différent, et puis c'est parti, ça fait presque 2 ans maintenant que je tatoue, quoi. Et t'es beaucoup mieux là-dedans ? Ah oui, largement. Plus épanoui, c'est un univers complètement différent, quoi. Et d'ailleurs, je pense que Johnny déconseillera à tout le monde d'acheter matériel chez les Chinois et sur Internet pour attaquer chez soi. Je pense que le seul vrai moyen d'attaquer, c'est de trouver un formateur, un vrai formateur qui sait tatouer. Même s'il n'y a pas de législation à ce niveau-là non plus. Non, pas encore. Mais, non, mais voilà, je pense que l'idée d'un compagnonnage devrait être à étudier vraiment pour le tatouage, je crois. En effet, là j'ai donné la parole à un tatoueur perceur, mais après tout, toi, Jean-Pierre, tu as beau ne pas être tatoueur... Jean-Marc, pardon, pourquoi j'ai dit Jean-Pierre ? Si, parce qu'il y a un Pierre à côté qui se balade, voilà, c'est ça, je m'emmène les pinceaux quand il y a trop de monde ça dans les locaux. Bien, hein, oui, donc je disais, Jean-Marc, toi tu n'es ni tatoueur ni perceur, mais après tout, tu es quand même tatoué de partout et tu organises, enfin de partout, du moins de ce que je vois, tes bras, ton cou, un petit peu ton visage. Toi, c'est venu comment cette passion du tatouage ? Bah, la passion du tatou, elle est venue aussi à des âges assez précoces, à l'adolescence aussi, toujours dans le milieu un petit peu alternatif. Et puis moi-même, je voulais devenir tatoueur, mais d'autres circonstances ont fait que je ne le suis pas devenu. Certainement le talent, parce que... Tant mieux pour les clients. Tant mieux pour... non, mais quand je vois tout ce qui se passe en ce moment, je me dis que j'ai peut-être loupé ma vocation. J'aurais pu faire du tatouage naïf, mais bref. Mais Et voilà, après, j'ai plus d'affinité avec l'organisation, monter les équipes. Et puis, et j'avoue que je vis un petit peu, entre guillemets, le rêve par procuration, de voir toutes ces personnes tatouées, embellir des peaux. Ça me plaît énormément, même si ce n'est pas moi qui le pratique. Mais ça te permet aussi de mettre ces gens en valeur, de les faire être connus un petit peu plus. D'ailleurs, on parlera juste après la pause musicale de là d'où ils viennent et les différents styles, vu qu'on va revenir tout doucement à l'Épinal Tattoo Show. Mais en attendant, on va s'écouter une deuxième pause musicale, d'ailleurs peut-être la dernière, on verra. Un morceau intitulé Boom de T.M. Stevens. Donc on s'écoute ce morceau et on se retrouve juste après sur Radio Gemozo. Spread my will, but let me tell. Et vous êtes de retour sur Radio Guémozo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups, et vous pouvez réagir sans aucun problème par téléphone au 03 29 62 40 40 ou sur notre page Facebook radioguémozo.eu. Voilà. Non, sur notre page Facebook Radio Guémozo tout court, ça y est, je me suis emmêlé les pinceaux parce que comme on est rock'n'roll, hein, j'ai repris l'antenne juste après la pause musicale. C'est ça quand on fait autre chose en même temps. Et on est toujours avec Johnny, Jean-Marc et Julien pour parler de l'Épinal Tattoo Show qui a lieu ce week-end du 22 au 24 juin à Épinal. On rappellera à nouveau les horaires d'ouverture et les prix d'entrée en fin d'émission. On a encore 20 petites minutes devant nous, mais on va revenir tout doucement à l'événement qu'on a parlé quand même globalement de la profession, du moins assez globalement pour, j'espère, donner envie aux auditeurs de venir. Et on va revenir, comme on a déjà parlé de vos univers à vous. Jean-Marc, tu m'avais dit que vous faites venir des gens, des exposants d'assez loin. Alors au niveau géographique, assez loin, ça veut dire quoi? Ils viennent de l'Europe tout entière. Là, les plus loin, c'est les Russes cette année? Non, on a quand même l'Amérique du Nord. Enfin, on a Canada quand même. Canada, oui. Ouais. Mais sinon, pas les Russes pour les plus loin, des Polonais, Bulgares, Roumains. Enfin, une petite pléthore d'artistes des pays de l'Est. Ouais. Et j'imagine que, bon, forcément, des tatoueurs, il y en a beaucoup de par le monde. Comment est-ce que vous choisissez ces différents tatoueurs? La qualité artistique. Après, on fait venir des locaux aussi parce que c'est important de les mettre en avant dans la région où se trouve l'événement. On fait venir certainement les meilleurs tatoueurs français du moment, et puis des tatoueurs qui viennent des pays étrangers, qui ont une renommée certaine. Donc voilà, c'est un mix qui permet une bonne convivialité pour le salon. Oui, et comme tu as dit aussi, qui dit zone géographique différente, ça dit aussi, j'imagine, style différent. Y a quoi comme style qui va cohabiter ce week-end à Épinal? Comme l'a dit Julien tout à l'heure, le réalisme, comme le disait Johnny, le dotwork, géométrique, le old school, le néo-traditionnel, je ne vais pas tous les citer, mais du japonais, tous les styles sont représentés. Ouais. Après, cette convention est quand même assez marquée par un plateau assez important de réalisme, parce qu'effectivement, c'est mon amour de cœur, hein, donc mes connaissances passent par là aussi, forcément. Mais pas que, il n'y a pas que ça, on a vraiment de tous les styles. Et puis on est vraiment hyper sélectif, plus que l'an dernier. Quant au niveau des tatoueurs, on le sera toujours plus, parce que, enfin, en espérant, hein, bien sûr, que l'événement fonctionne et soit pérenne, mais on a dû l'être parce qu'on a eu énormément de demandes, puisque les gens étaient très super intéressés par l'événement. Donc voilà, alors une place, elle se mérite, quoi. Oui, une place se mérite, et j'imagine que ce n'est pas que forcément une question de renommée, même si, mais aussi de talent, de personnalité. Il y a des gens aussi qui sont peut-être techniquement un peu moins forts que d'autres, mais qui apportent quelque chose au milieu du tatou, qui vont apporter quelque chose à l'événement, qui apportent des choses humainement, enfin qui ont du moins leur droit et tout à fait d'exister dans cet univers, quoi. Voilà, on n'est pas non plus, on fait pas de prosélytisme, d'élitisme. Voilà, on décide finalement de choisir des gens qui ont un bon niveau et puis qui sont cool, quoi, aussi, et sympa, parce que c'est pas la peine d'avoir des mecs avec des melons, des mesures comme des montgolfières pour créer une ambiance de merde, ça sert à rien. On est dans une petite ville, autant qu'on essaye de garder quelque chose de super proche, d'une belle proximité. Oui, parce que le but, si j'ai bien compris, d'après ce que tu dis, Julien, c'est de vraiment créer une bonne ambiance et faire un peu comme... C'est super important, ça, parce que ça va au-delà du plateau, ça va au-delà... On voulait pas faire avec Jean-Marc un événement impersonnel, comme il y en a à certains endroits. On voulait faire où les gens sont juste là pour payer un stand et puis patienter que le chaland se présente pour tatouer. Ça n'a pas d'intérêt, il y en a trop de ce type de convention. Nous, on est vraiment dans l'univers du tatou, donc je pense que c'est à nous d'essayer de faire la différence par rapport à d'autres événements. Attention, hein, je suis pas en train de dire que c'est le meilleur événement du monde, pas du tout, mais on essaye d'en faire quelque chose de correct, un bel événement pour une petite ville, mais qui peut ramener aussi un beau niveau de tatou, une super ambiance, et puis que les tatoueurs aussi y trouvent leur compte. Et dis-moi, qui dit niveau de tatoueur, vu que je l'avais aussi entendu ça hors antenne, peut dire concours. Et d'après ce que j'ai compris, il y a des concours et tu m'as dit que c'était assez important de mettre le doigt là-dessus. Ouais, j'en ai parlé. Bon, c'est vrai que les concours, c'est super important parce que bah, moi, je fais tellement de conventions que ça me paraît naturel. J'y fais plus nécessairement attention, mais les gens aiment ça aussi voir. Et puis, ça récompense des tatoueurs. C'est quand même c'est gratifiant. Et puis, en plus, cette année, on a des trophées qui sont vraiment au top du top. Donc là, j'espère qu'il va y avoir de la bagarre pour les récolter. Donc après, des concours, je peux laisser Jean-Marc en parler un petit peu plus. Ouais. Ben c'est très important parce que les tatoueurs, comme j'ai dit tout à l'heure, locaux de la scène française importante et même tous les autres, ont envie, entre guillemets, de se mesurer l'un à l'autre, hein, même si ça reste très cordial bon enfant, et que le but, dans tous les cas, est d'échanger. Hein. Chacun va dire, ah, ben, toi, ce que tu as fait, mais je ne comprends pas comment tu es arrivé à ce résultat-là, et etc. Et puis, avec des jurys qui, eux, connaissent très bien le tatou aussi, effectivement, c'est, je pense, pas comme un honneur, mais c'est quand même une juste récompense de venir à Épinal et de dire, voilà, moi j'ai gagné le premier prix Best of Réalisme ou autre, ramener un beau trophée, ça fait un souvenir et c'est vrai que c'est très très important pour tous les tatoueurs qui viennent participer à la convention. Et donc, tu as dit qu'il y a possibilité, entre guillemets, ou tu as dit ça, d'avoir un trophée Best of Réalisme, il y a plusieurs concours, plusieurs trophées. Voilà, autant qu'il y a de styles, il y aura de concours tatou. Alors, peut-être pas tous représentés, on en a mis certains ensemble. Et puis il y a le fameux, donc celui-là, c'est la consécration de chaque convention, qui est un concours de la meilleure pièce réalisée sur la journée. Donc, il y en aura un le vendredi, un le samedi et le dimanche, ainsi que le Best of Show le dimanche, donc le tatou le plus beau réalisé sur l'ensemble de la convention, de l'événement. Alors que les autres catégories s'adressent à des personnes qui ont des pièces qui peuvent être déjà guéries ou qui peuvent avoir plusieurs années. Mais les best-of, c'est vraiment ce qui a été réalisé uniquement sur l'événement. Sur l'événement, oui, je le rappelle, hein, c'est possible, même si c'est déjà possible de prendre rendez-vous, si j'ai bien compris, avec des tatoueurs. C'est aussi possible de se faire tatouer sur place, on va dire, complètement en live, de voir un pattern, si j'ai bien compris, de dire « Ah ouais, c'est sympa, ah ouais, je peux te le tatouer maintenant, allez-y, on y va. » Parce qu'après tout, comme vous l'avez dit, les tatoueurs viennent de loin. Et vous aussi, j'imagine, vous avez fait plusieurs conventions, vous êtes allé loin. Histoire de se faire une petite idée, vous avez fait plusieurs conventions, j'imagine. Déjà, toi, Julien, vu que tu tatoues quand même depuis 2001, si j'ai compris, tu as dû en faire quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, j'en fais beaucoup. Comme je te disais tout à l'heure, là, je suis à au moins 25 par an, donc c'est énorme. Mais, 25 par an, 25 l'année dernière, ouais, bon, c'est pas par an, parce que je vais essayer de diminuer sévèrement, là, parce que c'est trop. Mais j'en ai fait pas mal aux États-Unis, pas mal en Amérique du Nord, beaucoup dans les pays de l'Est, en Angleterre, Italie, etc. Voilà. J'ai pas encore visité l'Asie, mais c'est dans mes projets futurs de partir un peu là-bas et puis d'essayer un peu plus d'Amérique du Sud aussi. Donc oui, ça te fait vraiment aller très loin. Et toi, en ce qui te concerne, Johnny, comme ça fait 2 ans que tu es au Tattoo Shop, c'est allé jusqu'où, jusque-là? Pour l'instant, le plus loin que j'allais, c'est à Fréjus. Ouais, c'est dans le bas de la France. Donc ouais, j'en fais quoi, 4 par an des conventions. En tant qu'apprenti, ça va, je sais pas... Pas me plaindre pour l'instant. Oui, je pense que c'est pas mal. Bon, après, forcément, je ne suis pas du tout du milieu là, mais ça permet aussi d'ouvrir des horizons. C'est ça. J'aurais bien voulu m'étendre sur les premières conventions, mais on n'a malheureusement pas trop le temps. On va peut-être tout doucement commencer à résumer un petit peu tout ce qui a été dit, revenir un petit peu, rassembler les informations pour les auditeurs qui prennent l'émission en cours de route. Comme je le disais, il y a plus de 180 tatoueurs et d'autres exposants, si j'ai bien compris, et exposants autres, hein, déjà, parmi eux, il y a Sans Scholar Time, donc il y a du bijou, il y a d'autres trucs. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? En fait, la convention, là, c'est l'occasion, effectivement, donc de venir, alors on va faire la petite liste, de se restaurer dans une ambiance conviviale, de venir dans la convention, pas seulement voir des tatoueurs tatouer en live, mais venir faire les boutiques, parce qu'il y a beaucoup de marchands. On aura également des spectacles, notamment de la pole dance, on aura des concerts, on aura le concours tatou, on aura de l'art de la peinture et du dessin en direct. Il y aura un atelier dessin pour les enfants, il y aura le piercing, comme l'a dit Julien. C'est vraiment un événement qui va même au-delà du tatou, où on est là pour passer un bon moment avec de multiples raisons de venir. Et oui, comme on me le disait dans l'oreillette, j'ai pas trop parlé des concerts. Donc, il y aura quoi comme concert ? Ce sera tout au long de la journée ou ce sera plutôt le soir ? Dans tous les cas, il y aura une ambiance musicale qui sera distribuée toute la journée à la convention, mais les concerts débuteront, oui, distribués, je ne sais pas pourquoi je dis ce mot, mais bon. Mais les... Non, mais les, oui. Les concerts, je te laisse plus en parler. Ouais, c'est plutôt le soir, le vendredi et le samedi, et puis, parce qu'on a un programme déjà très chargé. Ouais. Et le dimanche sera plutôt dans l'après-midi, parce qu'on a aussi un truc dont on a oublié de parler, mais une vente aux enchères en fin d'après-midi. Ah, bah c'est bien, c'est le moment d'en parler. Voilà, au profit de l'association Crin Blanc, donc qui est une association qui s'occupe des chevaux à la retraite. Alors, qui dit chevaux à la retraite dit pas du tout vieux chevaux, hein, parce qu'il y en a des très jeunes, mais qui sont plus utilisés, tout simplement, et que ben, presque mis au rebut. Donc cette association a absolument aucune plus aucune subvention. Elle vient de s'être fait on vient de lui retirer ses dernières subventions. Donc c'est important pour nous de les aider, hein, parce que c'est des bénévoles, voilà, qui y travaillent. Donc, et puis pour les animaux, c'est toujours un petit peu plus compliqué, parce que les gens se sentent moins concernés, en particulier les chevaux. C'est comme ça. Donc voilà, on aura une vente aux enchères dont tout le profit leur est reversé. On avait déjà fait ça l'an dernier, on avait récolté une somme plutôt sympa. Mmh. Ouais. De temps en temps, nous au shop, on fait une journée aussi, hein, au profit toujours de cette association-là. Bon, voilà, pour les aider. Et donc, ils seront présents aussi pendant la manifestation, donc pendant l'Épinal Tattoo Show, ils seront là. Et la vente aux enchères, elle a lieu quand ? Alors ça, c'est le dimanche après-midi, il me semble, si je dis pas de bêtises, vers 18h. C'est ça. Oui, comme ça, que je me le note, hein, de toute façon, je le rappellerai pour le vendredi après-midi. Et puis voilà, ça c'est quand on note en même temps qu'on parle. voilà, ça c'est la vente aux enchères. On a parlé des concerts. Bon, j'imagine les concerts, ce ne sera pas des quatuors à cordes, mais plutôt des concerts plus rock-metal. Oui, voilà, rock-metal, ouais, ouais. Bon, on reste un petit peu dans la culture qui nous a fait naître. Voilà, on fait venir la démonstration de skate et du BMX aussi, donc ça reste une sous-culture, comme l'a pu être le tatou, comme l'a pu être le rock à ses débuts, comme... On essaie d'en proposer le plus possible, mais effectivement, voilà, on reste aussi dans nos standards. Oui, toujours, dans cet univers, même si hein, l'univers du tatou, c'est quand même beaucoup démocratisé, ouais. Je pense que c'est important de le dire, hein, c'est plus que des têtes de mort, on peut faire des papillons, des lotus, des trucs plus dans le style avec reggae. Avec des têtes de mort aussi. Oh, si, oui, bien. Ah oui, des papillons avec des têtes de mort, on n'en voit pas trop. Mais voilà, quoi, c'est vraiment montrer à quel point ça s'est démocratisé, à quel point le tatouage et le piercing, c'est vraiment pour tout le monde, hein, peu importe son âge, peu importe son origine sociale, peu importe aussi son origine ethnique. Même si pour l'origine ethnique, alors il n'y a pas du tout de restrictions humaines, c'est pas du tout ça, mais au niveau de la peau, par contre, il y a quand même des restrictions. Ouais. On ne pourra pas faire la même chose sur une peau très très foncée que sur une peau très claire, évidemment. Il y a des petites restrictions là-dessus, parce qu'il y a des gens, des fois, qui nous demandent des choses avec des gris très très légers, qui sont très très foncés de peau, et c'est compliqué, quoi. Et parfois ils comprennent pas quand on essaye de leur bon, bien souvent c'est très bien pris, hein, y a pas de souci, mais c'est vrai que ça nécessite une petite explication, parce qu'on peut pas tout faire sur n'importe qui, comme des peaux à problème, hein, je veux dire, si on commence à avoir de l'eczéma, des choses comme ça, ça peut poser quelques problèmes à certains endroits, voilà. La meilleure peau, c'est la peau des roues. Des peaux de roue, ouais. Ah bon, à ce point? Oui, c'est vrai. Pourtant, c'est une peau fragile et sensible, non? Ouais, mais alors une fois, elle guérit très très bien, et puis le pigment reste dedans, mais éclatant, hein. C'est vraiment, ouais. Ah oui, parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de pigments, vu que beaucoup de tatouages se font en noir et blanc, mais beaucoup se font en couleur, et au niveau du vieillissement, vu qu'on a parlé de l'importance du vieillissement et d'en prendre soin, je reviens rapidement là-dessus, les tatouages en couleur, ça vieillit pas trop mal, hein. Non, ça vieillit, c'est comme le reste, ça vieillit bien. Bon, après, c'est sûr que l'ennemi numéro un, c'est le soleil, quoi, hein. Mais les UV en règle générale, pas juste le soleil. Mais sinon, non, ça vieillit tout aussi bien qu'un tatou en noir et blanc. Ça, c'est une vieille idée reçue qui reste encore. Aujourd'hui, on a des pigments super performants. Mais voilà, ça dépend de la qualité de la peau, ça dépend de la technique du tatoueur aussi, ça dépend de pas mal de paramètres comme cela. Presque tous les pigments sont photorésistants maintenant. Ouais, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ah oui, donc il y a aussi une certaine avancée dans les tatouages. Et d'ailleurs, dernière chose, comme on a parlé d'alimentation végane, est-ce qu'il y aura sur place, vu que maintenant je sais que ça se fait, est-ce qu'il y aura des tatoueurs véganes? Parce que je crois, oui, c'est possible de se faire faire des tatouages véganes, quelque part dans le monde. Bah, qu'est-ce que vous appelez des tatouages véganes? Eh ben, j'en ai aucune idée. De l'encre. Ah oui, mais parce qu'en fait, il y a des industriels qui ont décidé de lancer, pour surfer sur la vague du végane, des encres véganes. Mais a priori, elles le sont quasi toutes. Ouais. En fait, voilà, les pigments, ce qui compose les pigments ne sera pas testé sur les animaux et normalement salé. C'est la façon dont ça doit être fait. Voilà, après, des tatoueurs véganes qui ont la culture végane, il y en a aussi, mais ça c'est encore autre chose. Et voilà, alors on peut utiliser tout un tas de produits. Alors après, certainement que leurs tables ne sont pas en cuir, ou en autre chose, j'en sais rien. Mais oui, il y a possibilité, ouais. Oui, il y a possibilité, ça évolue dans le temps, je crois. De toute façon, ça je le sais, il y a des crèmes à cicatrisation véganes. Véganes, ouais. Donc, pour les afters, vraiment... pour les soins, etc. Ouais. Voilà, donc on en fait vraiment pour tout le monde et surtout moins testé sur les animaux. Je pense que la parenthèse protection animale est close cette fois, même si c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que il y a la vente aux enchères dimanche après-midi pour l'association Crin Blanc pour les chevaux à la retraite. Hein. C'est pas non plus une question d'âge, comme tu le disais, c'est juste une question d'usage, même si j'aime pas beaucoup utiliser ce terme-là. Non, le terme est moche, mais bon, il faut l'utiliser, parce que c'est celui qui, effectivement, s'est réduit à ça, ils en sont réduits à ça. Bien entendu, et d'ailleurs, dis-moi dernière chose, dans cette vente aux enchères, on pourra trouver quoi, ou acheter quoi, bien entendu? Alors, c'est des créations de différents tatoueurs, donc par exemple, les gars de toute l'équipe de mon shop, et puis il y a d'autres gens à qui on a demandé, voilà. Après, tout le monde est le bienvenu, ils peuvent déposer un print, juste un petit truc, un petit goodies, enfin un petit quelque chose créé par eux pour que ça soit vendu aux enchères. Nous, on fait principalement des planches de skate parce que ça a un côté assez sympa à exposer et puis ça s'adapte bien à de la déco, enfin, ou à de la peinture liée au milieu du tatou. Mais il y aura aussi des toiles, il y a différentes choses, voilà. Donc voilà, ça c'est pour l'association Crin Blanc pour la vente aux enchères. Je rappelle encore une fois, une dernière fois dimanche après-midi, vu qu'après tout il va s'en passer des choses au Épinal Tattoo Show pour sa deuxième édition du 22 au 24 juin. Et comme cette fois il va vraiment falloir conclure, Jean-Marc, tu peux me rappeler à nouveau les horaires d'ouverture et les prix d'entrée? Alors le prix d'entrée c'est 10€ par jour. Celui qui veut un pass week-end, donc les 3 jours, c'est 25€. Et nous ouvrons le vendredi à partir de 14h pour fermer à 21h, le samedi de 11h à minuit et le dimanche de 11h à 20h. Donc voilà, là où il y aura la possibilité de trouver son bonheur, de rencontrer des gens alors passionnés et tatoueurs aussi de la profession pour discuter, vraiment échanger, en savoir plus, en apprendre plus. Car après tout, c'est ça aussi, c'est un univers à part entière qu'il faut apprendre à connaître. Je pense que c'est important de le souligner, mais il n'y aura pas que des tatoueurs, comme je l'ai répété plus d'une fois, je radote vraiment. mais il y aura aussi d'autres stands, il y aura de quoi manger pour tout le monde, pour toutes sortes de régimes. On a aussi parlé de sans gluten, on a parlé de plein de choses. Il y aura aussi d'autres stands, comme je le disais, des bijoutiers, des fabricants. Vraiment, tout, c'est très vaste en fait, ça ne s'arrête pas qu'au piercing et au tatouage. D'ailleurs, pour le piercing, il y aura un stand qui vient de chez toi, Julien, ouais. comme je l'ai bien dit, bien précisé, et je répète encore une fois, c'est tout à fait possible de se faire faire quelque chose là-bas. Après tout, ce sera l'occasion de se jeter à l'eau parce que c'est important dans la vie. Et je ne sais pas si... Oui, je pense que j'ai résumé tout ce qu'il faut, non? Ça me paraît pas mal, moi, en tout cas, ouais. Oui, je rappelle encore une fois que notre voisin du Tattoo Shop sera présent sur place, bien entendu, mais ceux qui ne pourront pas se rendre là-bas, n'hésitez pas à aller faire un tour à Armiremont, ça vaut toujours la peine d'aller leur faire un petit coucou, et puis ce sera aussi l'occasion, en dehors de ça aussi, Julien, de passer à ton studio à Épinal, ouais. Le Clockwork Needle, Clockwork. C'est rue de la Chipote à Épinal. Ouais. Ok, donc voilà, ça c'est toutes les informations nécessaires, et ça y est, j'entends déjà le générique qui pointe le bout de son nez. Donc avant de se dire au revoir, je fais encore la programmation de la soirée. Et à partir de 20h, ce sera la rediffusion de notre action slam, suivie à 21h de Vivre et créer la montagne avec Vincent, suivie de la rediffusion de l'émission que vous avez écoutée à l'instant demain matin de 7h à 8h, suivie de la chronique à Michel et enfin de la matinale de Marion à 8h30. On se retrouvera demain 18h-19h comme d'habitude, cette fois pour en savoir plus sur le véganisme. Je vous ai posé beaucoup de questions à ce sujet-là. En effet, je reçois un youtubeur vegan qui s'appelle l'effet chimpanzé. Donc là, je lui ai posé beaucoup de questions sur le sujet. Ce sera vraiment consacré là-dessus. Donc, amis de la cause animale, l'émission de demain est faite pour vous. Et pour ceux qui ont envie de réécouter l'émission et n'ont pas envie d'attendre demain, elle sera bien entendu en podcast sur notre site radiogemozo.eu rubrique l'heure des loups ou sur notre page Facebook Radio Gemozo. Et puis de toute façon, je vais taguer un petit peu tout le monde sur Facebook, comme ça vous pourrez voir un petit peu les pages des autres comme j'ai l'habitude de le faire. Enfin voilà, merci beaucoup Johnny, Jean-Marc et Julien pour votre présence et de m'avoir donné toutes ces informations, elles étaient extrêmement précieuses. Merci beaucoup. Merci. Bah écoutez, mais merci aussi beaucoup aux auditeurs qui suivent comme d'habitude l'émission tous les soirs. Et écoutez, on se retrouve comme d'habitude demain, même heure. Bonne soirée à tous. Bonsoir.